Dis Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette, net, net, net, net. Bonjour et bienvenue chez Bibou et Bibounette, le podcast. Bienvenue à tous et à toutes. Comment tu vas, Bibounette? Eh ben écoute, ça va super bien, mon Bibou. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Très motivée de reprendre les podcasts après ces petites vacances. Mais oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça fait du bien, ces petites vacances. Épisode 7. Et l'épisode 7, tout à fait, tout à fait. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais? Ouais, ouais, ouais, nickel. Content aussi de... Je suis content, je suis très motivé, j'ai hâte à cet épisode en fait d'aujourd'hui. Tout à fait, et puis c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'ai gagné quand même deux fois de suite. Ça, tout le monde va le savoir. J'ai gagné deux fois, ça on va le savoir. Et bah, du coup, je remets mon titre en jeu. Voilà. Tel un boxeur. Tel un boxeur. Tel Rocky Balboa ou tel Apollo Creed, d'accord? Ouais, ouais, ouais, non mais j'ai peur de rien. Je remets mon titre en jeu. D'accord. Et tu vas voir, je vais te laminer. Rocky. On verra déjà. Ouais, tu vas voir. Tranquille. Hein. C'est vrai qu'on avait dit qu'on faisait une petite pause sur les quiz. On avait fait une série de trois épisodes sur les quiz. Tout à fait. Mais on a eu un éclair de génie. On s'est dit... Pour la remise en jeu du titre. Ouais. Et en plus, comme ça, on ne pourra pas dire, tiens, ils se connaissent tellement bien, ils ont fait des questions... pour se favoriser, pour que Bibounette, elle gagne. Bibou, il a été sympa avec elle, machin. Mmh. C'est vrai que tu as eu une bonne idée d'inclure, en fait, deux personnes dans la conception, en fait, des quiz, c'est ça? C'est ça. Voilà. J'ai été feignant sur le coup, je me suis dit, j'ai envie de refaire un quiz, mais c'est vrai qu'on a fait trois épisodes d'affilée en trois semaines. Ouais, on commençait à manquer d'inspiration. On a fait plus de 100 questions, je crois. Donc, complètement. C'était fatigant à un moment, c'était lourd. Et donc là, les deux personnes qui collaborent sur cette émission, en plus de Bibou et Bibounette, bien sûr, c'est qui alors du coup qui participe? Alors moi, j'ai fait appel à un ami de Twitter qui s'appelle Yannick, D'accord. Que vous pouvez retrouver sous le pseudo de Aka Dallas. Tout à fait. Et moi, de mon côté, eh bien, ce sera... Bah, maintenant, on ne le présente plus, mais bon, on va quand même le présenter. Oui. Eh bien, ce sera Péremptoire. Ah, OK. Le grand Péremptoire qui organise aussi Podren, qui fait partie de l'équipe de Podren. C'est ça. Voilà, chaque année. Et donc, du coup, ce sera aussi mon appel à un ami pour les questions. Pareil pour toi, de ton côté, tu appelleras Yannick. Voilà, donc Yannick m'a préparé 25 questions sur le thème du cinéma, on l'a pas dit. Exactement. On est parti sur le cinéma. Et toi, Péremptoire, t'as préparé aussi 25 questions pour toi, exactement. Génial, j'ai hâte de découvrir ça va être génial. Tu vas voir, ça va être fantasmagorique. On rappelle un petit peu les règles de l'émission, ça va être simple et rapide. Oui, bah 25 questions. Une question chacun son tour. Tout à fait, on note les points et on a toujours ces fameux trois jokers. D'accord. Voilà, on a l'appel à un ami. Ok. Donc moi, péremptoire, toi, Yannick. Ok. Après, on a le 50-50. 50-50, donc qui permet d'éliminer deux mauvaises réponses. Voilà, et puis on avait instauré la loupe. Ouais, l'indice. Qui d'ailleurs, on n'a jamais utilisé en tant que loupe. Non, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est devenu, sur les trois derniers quiz, en fait, à chaque fois, c'était un 50-50. Ok. Donc, en cas de... Si on n'arrive pas à trouver d'indice, on restera sur cette typologie. Voilà, très bien. Okay. Voilà, ok. C'est parfait. Moi, je pense que comme, de toute façon, ce n'est pas les quiz habituels comme la partie, la revanche... et la belle, c'est un quiz un petit peu de remise en jeu du titre. Moi, je te propose un petit générique un petit peu hors du commun. Je suis sûre que tu t'y attends pas. D'accord, écoute, c'est parti quoi. Bah, j'espère que ça va te plaire. Oui, t'inquiète. Allez. Quand je te dis que je me prends pour Rocky, là, en plus tu as posté pas mal d'images de Rocky à chaque fois pour les quiz, donc je me dis ce petit générique est totalement approprié pour la remise en titre. Bah oui, en plus t'es habillé exactement pareil, t'as ton petit short et t'es quasiment tout à fait, poil, j'ai mis mon petit short, j'ai mis mes gants de boxe, alors c'est pas très très pratique les gants de boxe. Ouais. En plus, nous sommes accompagnés d'une tournée de bière. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui ? Eh ben, on boit une petite bière, une trappiste. Une petite blonde, ouais. Une petite nickel. Blonde, exactement, une petite trappiste, qui, je ne sais même pas d'où elle vient. J'en sais pas, c'est écrit. Bon, elle est quand même à 6,5. Hein, donc ah, on oui, va cool, la boire là. Tranquille, ou bilou. Hein. Ouais, ouais. Eh ben, bibou, que le meilleur gagne. D'accord. Trinquons. Allez, on va trinquer. À cet épisode 7. Et puis, ben, c'est parti. Je pense qu'on va être prêt. Alors, qui commence la série de questions ? Eh ben, tu sais quoi ? Je laisse la main. T'es grand ouais, seigneur. Ouais, non, mais je suis seigneur. D'accord. Je veux okay. bien, on se met une petite musique aussi. Ouais, nous alors j'ai prévu la BO de Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Ah, est-ce que ça te va, Bibou ? Ah, ça va être parfait pour nous. Ok, je vais lancer ça. Donc, tu me laisses la main pour commencer, en fait, là. Oui, tout à fait. Je fais preuve de générosité. Eh ben, écoute, parfait. On y va. Alors, question numéro 1. Dans le premier Terminator de James Cameron en 85, oui. combien de Sarah Connor sont tués par le T-800 avant qu'ils ne la trouvent dans une boîte de nuit ? 1, 2, 3 ou 4 ? D'instinct, je dirais 3. Et c'est quoi ? Je vais rester sur mon instinct, c'est 3. Tu restes sur... Donc tu valides 3. Je valide 3. Eh ben non, c'est une mauvaise réponse, c'était 2. Voilà. Elle est la troisième qui est recherchée. Bon, c'est ça, bah, écoute, exactement. Bon bah voilà. Bon ça bah c'est cool, fait. 0 points. Bim. Boum. Alors, première question de mon côté. Qui est l'entraîneur d'Hilary Swank dans le film Million Dollar Baby ? Est-ce que c'est Robert Redford ? Est-ce que c'est Clint Eastwood ? Est-ce que c'est Tommy Lee Jones ? Est-ce que c'est Gene Hackman ? Alors, je crois que j'ai la bonne réponse, mais j'attends un petit peu pour les auditeurs. D'accord, donc moi je répète la question. Qui est l'entraîneur d'Hilary Swank dans le film Million Dollar Baby ? Robert Redford, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones ou Gene Hackman ? Alors, je vais dire Clint Eastwood. Est-ce que tu valides Clint Eastwood ? Tu me mets un doute avec tes yeux. Je fais quoi ? À chaque fois, tu dis ça avec tes yeux. Quoi. Je vais pas te regarder avec Alors, Clint Eastwood. Alors, c'est un film de Clint Eastwood et ah, je ça, suis quasiment sûr qu'il joue dedans. Donc, je valide Clint Eastwood. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est vrai ? C'est Tommy Lee Jones qui entraîne Hilary Swank. C'est pour ça qui est l'entraîneur. D'accord. Voilà. Tain, je suis persuadé de le voir dans le film. D'accord. Et... Ah oui, il est dans le film, mais pas en tant qu'entraîneur. Ah, ok, d'accord. Voilà. Okay, okay. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film. Tout à fait. Eh ben, pas de points. Eh ouais. Voilà. Ok. Salut, c'est Bibou. Je suis désolé d'interrompre le programme. Il y a une petite erreur dans les notes de la question. Et c'est bien Clint Eastwood qui entraîne Hilary Swank dans le film. Donc voilà, désolé. Bisous. Bon, question numéro 2. Tout à fait. Quel est le vrai nom du capitaine Crochet, l'ennemi de Peter Pan ? Est-ce qu'il s'appelle James Howlett ? James Hook, James Haken ou Anakin Pan, d'où la célèbre réplique « Peter, je suis ton père ». Le deuxième, tu m'as dit, c'est... Alors, je vais répéter les quatre. Ouais, je veux bien. James Howlett, James Hook, James Haken ou Anakin Pan. Je vais répondre bon. La réponse A. James Howlett ? Oui. Est-ce que tu valides ? Et je valide. C'était une mauvaise réponse. C'était James Hook. Tout simplement, voilà. James Howlett, c'est le nom de Wolverine. Ah bah voilà. Bon bah je me suis fait avoir quoi. Et pour James Haken, Haken signifie crochet en allemand. Ouais. Toi qui es alsacienne. Oui bon, c'est pas parce qu'on est alsacien qu'on parle forcément très très bien allemand. Si. Si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est évident. Alors, deuxième question. Dans le film de Danny Boyle, La plage, quel acteur français partage un des premiers rôles avec Leonardo DiCaprio ? Est-ce que c'est Benoît Magimel ? Est-ce que c'est Guillaume Canet ? Est-ce que c'est Vincent Cassel ? Ou est-ce que c'est Jean Dujardin ? Dans le film de Danny Boyle, La plage, quel acteur français partage un des premiers rôles avec Leonardo DiCaprio ? Okay. Magimel, Canet, Cassel ou Dujardin ? Alors, je vais répondre Guillaume Canet. Est-ce que tu valides ? Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on se le tape partout en ce moment, mais je valide Guillaume Canet. C'est validé. Donc et premier point pour Bibou. Ah, ok. C'est une bonne réponse, excuse-moi. Ok. J'étais sûre, celle-là, elle était facile. Ouais, mais avec Magimel, ça aurait pu semer le doute. C'est vrai, moi, je l'ai c'est vu vrai. Qu'une fois, il y a très longtemps, il y a 15 ans. Donc, Même du jardin, c'est vrai que bon, à l'époque, c'était, il faisait d'autres films. Je vois très rien mal du jardin là-dedans. <C'est ouais. clair. rire> Dans la plage, Danny Boyle était... Ok, vas-y, à toi. Alors, question numéro 3. Dans lequel de ces films Parlant de Mars, peut-on trouver la fabuleuse chanson de David Bowie, Starman ? J'ai direct le film qui me vient en tête, mais je te laisse. Ah ouais, mais laisse-moi. Ouais, bien sûr, okay. je te laisse. Alors, Planète Rouge, Ghost of Mars, Mission to Mars ou Seul sur Mars ? It's a starman waiting in the sky. Est-ce que tu veux que je répète les réponses ? Non, c'est Seul sur Mars. Seul sur Mars ? Ouais. Tu valides ? Je valide. C'est une très bonne réponse. Oui. Et oui. Un point pour Bibounette. Bibounette. Alors, dans le film Le Cornio de Gérard Houry, en 1965, avec Louis de Funès et Bourvil, l'intrigue tourne autour du vol du plus gros diamant du monde. Mais comment s'appelle ce diamant ? Est-ce que c'est le Grisogono ? Est-ce que c'est le Koh-i-Noor ? Est-ce que c'est le cœur de l'océan ? Ou est-ce que c'est le Yukun-Kun ? Le Yukun-Kun. Ok. Alors, dans le film Le Cornio, l'intrigue tourne autour du vol du plus gros diamant du monde. Est-ce qu'il s'appelle Grisogono, Koh-i-Noor, Yukun-Kun ou le cœur de l'océan ? Alors, le cœur de l'océan, c'est dans Titanic. Tout à fait. Alors, il y a Grisogono, Koh-i-Noor ou Yukun-Kun. Je vais faire un 50-50 sur cette question. Tu vas faire un 50-50. Je sens que ça va pas m'arranger, mais... Alors, un 50-50, il reste Yukun-Kun et Koh-i-Noor. Je vais prendre Yukun-Kun. Est-ce que tu valides ? Je vais valider. Et c'est une bonne réponse. Oui. C'est bien Yukun-Kun et effectivement, le cœur de l'océan, c'est le prénom, c'est le prénom, le nom du diamant dans Titanic. Ok. Parfait. Encore un point pour Bipou. Donc 2-1 pour le moment. Tout à fait, mais c'est que le début. C'est rien le début d'une victoire, moi. Tout à fait. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu vas voir. Alors, question numéro 4. Tout à fait. Dans Carrie au bal du diable de Brian De Palma, de 76, d'où vient le sang dont la pauvre Carrie se retrouve recouverte lors du bal ? Est-ce que c'est du sang humain volé dans un centre de don de sang ? Est-ce que c'est du sang de vache ? Du sang de cochon ? Ou du sang de taureau. Alors c'est bien joué pour les propositions. Franchement, c'est bien joué parce que c'est vrai que d'office, tu m'as parlé du film, la question, voilà, d'où vient le sang, et j'avais la réponse, mais maintenant j'ai un doute en fait. Voilà, je vais pas te dire entre bien quoi. Bien joué et quoi. Yannick. Bien joué Yannick, exactement. Mais je vais rester sur mon instinct parce qu'on du sang de porc et je valide. Sang de cochon, tu valides ? Ouais, je vois très bien l'abattoir, mais alors est-ce que c'est cochon ou vache ? Mais je vais rester sur cochon. Bah, c'est une très bonne réponse, c'est bien du sang de cochon. Ah bah tu vois. Et tu remontes ? Bah non, c'est pas, je remonte, on est à deux. Bah oui, t'as remonté. Ah bah dans Titanic justement, pour la quatrième question de James Cameron, par quel moyen le personnage se retrouve en possession d'un ticket pour embarquer sur le paquebot ? Est-ce que c'est grâce à un tirage au sort, en jouant au poker ? Est-ce qu'il le vole à quelqu'un ? Où il n'a pas de ticket et s'introduit discrètement dans le bateau. Alors, il a un ticket. Oui, voilà, il se retrouve en possession d'un ticket pour embarquer. Par quel moyen ? Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas la dernière réponse. C'est pas la dernière, il n'a pas de ticket et s'introduit discrètement. Alors, je vois très bien DiCaprio au début du film, avant d'embarquer dans une sorte de bistrot, en fait. Et je crois que c'est une partie de poker. D'accord. Et toi, il y avait une réponse qui disait qu'il vole à quelqu'un. Alors, il y a un tirage au sort, la partie de poker, ou il le vole ? Ah, je dirais partie de poker. Tu dirais partie de poker. Est-ce que tu valides ? Je vais valider partie de poker. Et c'est une très bonne réponse. J'avais un doute avec le fait qu'il le vole, parce que j'ai pas la scène vraiment en tête. Mais c'est pas évident. Mais c'est pas un voleur, DiCaprio. Non, c'est pas un voleur. Non. Voilà, c'est juste tout ce que j'avais à dire. Très bien, à ton tour. Alors, question numéro 5. Dans Retour vers le futur, comment s'appelle le chien de Doc en 1955 ? En 55. Okay. Est-ce que c'est Newton ? Est-ce que c'est Copernic ? Est-ce que c'est Einstein ? Ou est-ce que c'est Edison ? Le premier, tu m'as dit, c'est... Alors, Newton, ouais. Copernic, Einstein ou Edison ? Alors, Einstein, c'est en 85. Ok, ouais, pourquoi pas. Après, on a Copernic et Newton. Je vais rester sur Copernic et je valide Copernic. Tu restes au Copernic. Ouais, je vois le truc avec Lagrange en 55. Oui, je reste sur Copernic. C'est une très bonne réponse. Ouais, quand même. Et Einstein, c'est bien le nom du chien en 85. En 85. Bien joué. Merci, Bibou. Tu remontes, tu remontes. Alors, cinquième question. Qui Forrest Gump n'a-t-il jamais rencontré dans le film du même nom ? Est-ce que c'est John Lennon ? Est-ce que c'est Elvis Presley ? Est-ce que c'est Neil Armstrong ? Ou est-ce que c'est JFK ? Ah, redis-moi, s'il te plaît. Dans qui Forrest Gump n'a-t-il jamais rencontré dans le film du même nom ? D'accord. Lennon, Presley, Armstrong ou JFK ? Alors, je suis sûr à 100% qu'il n'a jamais rencontré Armstrong. Est-ce que tu valides ? Je valide. Et c'est une très bonne réponse. Effectivement, il inspire Elvis Presley pour ses pas de danse. C'est ça. Il est sur un plateau de télé avec John Lennon. Oui. Et il rencontre JFK et lui serre la main. Et par contre, il joue au ping-pong pendant que tout le monde regarde les premiers pas sur la Lune. Voilà, c'est ça. C'est le petit lien avec Neil Armstrong. Je sais qu'il y avait quelque chose avec Armstrong dans le film, mais... Voilà, et ben, il joue au ping-pong en fait à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et c'était ton quatrième point. Bien joué, Bibou. Cool. Question numéro 6. Dans Un jour sans fin, Phil Connors, donc interprété par Bill Murray, reste coincé dans le même jour dans une boucle temporelle, pour apprendre aussi bien le piano, une langue étrangère, que la sculpture sur glace avec une tronçonneuse. Mais combien de temps reste-t-il bloqué dans le jour de la marmotte ? Wow. Alors je précise que c'est un calcul qui a été fait par le site spécialisé dans le cinéma, whatculture.com. Ah, ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il reste bloqué 10 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans ? C'est vrai que la boucle est longue hein, quand même. Hein. Il a le temps d'apprendre des langues, il a le temps de faire quand même pas mal de choses, d'apprendre du piano. Les deux premiers, tu m'as dit, c'était quoi, 10 ans ? Alors, je vais répéter 10 ans, ouais. 30 ans, 50 ans ou 100 ans. Je vais éliminer les deux dernières. Non, les quatre réponses, c'est environ. Hein. Ouais, environ. Ouais. Je vais éliminer déjà 50 et 100. D'accord. Je serais bien parti sur 10. Je pars sur 10 ans et je valide. Tu pars sur 10 ans ? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Il reste bloqué 30 ans. Environ. Pour être exact, 36 ans. Waouh ! Ouais. Ah ouais, quand même. Eh oui. Sacré jour de la marmotte. Hein. C'est... Ouais. C'est... Carrément. Bon, ben, c'est pas de là, point. J'ai la musique en tête du jour de la marmotte, là. Ouais. Mais je le ferai pas. Non. Alors, dans Memento de Christopher Nolan... D'accord. Quel était le métier de Leonard Shelby avant sa perte de mémoire et les principaux événements du film ? Est-ce qu'il était inspecteur de police ? Est-ce qu'il était huissier de justice ? Est-ce qu'il était courtier en bourse ou enquêteur pour une assurance ? Oh là, dans Memento, j'ai pas vu ce film depuis très longtemps. Mmh. D'instinct, je dirais inspecteur de police, c'est tellement classique. Mais je pense pas que ça soit ça. Tu peux me répéter les trois Bien autres ? Bien sûr, alors il y a aussi huissier de justice, courtier en bourse et enquêteur pour une assurance. Et comme je dis, inspecteur de police, ça me semble tellement évident que je pense pas que ça soit ça. Alors après, il reste huissier, ouais. Courtier en bourse et enquêteur pour une assurance. Je vais dire enquêteur pour une assurance. Est-ce que tu valides ? Je vais valider. Et c'est une très bonne réponse. Waouh, alors ça c'est du hasard. Cool. Bien joué. Et Merci. Te voilà à 5 points. C'est Moi, ça. Moi je suis à la traîne, hein. Il faut que tu remontes. Je suis à 3, hein, c'est ça C'est ça, t'es à 3, voilà. Ouais. Inadmissible. À toi, Bibou. Alors, et tu as tes 3 jokers encore, si Oui, me semble. Oui, tout à fait, j'ai D'accord. mes 3 jokers. Question numéro 7. Dans quel film est tirée cette citation ? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Est-ce que c'est impitoyable ? Est-ce que c'est pour une poignée de dollars ? Est-ce que c'est « et pour quelques dollars de plus » ou « le bon, la brute et le truand » Bah, je vais utiliser mon premier joker, je pense. Hein. Ok. Je vais utiliser un 50-50. 50-50 Ouais. Ok. Donc, il te reste « impitoyable » et « le bon, la brute et le truand ». Ok, bon, ben, c'est celui à quel je pensais. Donc, je vais prendre « le bon, la brute et le truand » et je valide. C'est une très bonne réponse. C'était même, bien ça. Ouais. Ok. J'hésitais. Mais avec celui qui est juste avant, ah, pour une poignée de dollars. J'aurais hésité, mais complètement. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Alors, quel film français a pour slogan sur son affiche « N'y allez pas, c'est une merde » Je Didier, crois que je l'ai déjà, oui. Mais qui a tué Pamela Rose ? Les clés de bagnole ou Bryce de Nice ? Quel film français a pour slogan sur son affiche « N'y allez pas, c'est une merde » Didier, qui a tué Pamela Rose, Les Clés de bagnole, Bryce DeNice. Alors, je me rappelle très bien, c'est Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. D'accord. Je valide cette réponse. Et tu valides. Il n'aurait jamais dû dire ça, parce qu'effectivement, personne n'est allé voir ce film à la con. Donc, et c'est une très bonne réponse. Voilà. La tagline de Didier, c'est « Ce qu'il y a de meilleur en l'homme, c'est le chien ». D'accord. La tagline de « Mais qui a tué Pamela Rose ?» c'est « Le coupable est dans le film ». Et il n'y a pas de tagline pour Bryce DeNice. Mais très bien les questions, nickel. Ah ouais, ouais. Super. J'avais occulté ce film de ma mémoire, en fait. Tout à fait. Et on me l'a remis dans la tête, donc génial. Merci à Péremptoire. Merci. question numéro 8. Dans Matrix de 99, Keanu Reeves interprète le rôle de Neo, qui est son nom de hacker. Et par la suite, nous apprenons son nom de famille Anderson. Mais quel est son prénom ? Est-ce que c'est Wes Anderson, John Anderson, Thomas Anderson, ou en fait, il n'est jamais fait mention de son nom, prénom pendant le film. Donc je répète, Wes Anderson. Donc non, parce que ça c'est un réel. John Anderson. Ouais, ça me paraît un peu classique. Thomas Anderson. Hmm. Ou on ne cite jamais son prénom. Et je vais prendre la réponse D. On ne mentionne jamais son ouais, prénom. Et je valide. Tu valides ? Ouais. Et non, c'est Thomas Anderson. Tu vois, j'ai hésité. T'as vu ma tête avant sur Thomas. Ouais. Comme quoi, des fois, il faut vraiment suivre son instinct. Hein. C'est ça. Ah, ça m'énerve. Donc ouais. Tu l'as dit, Wes Anderson, c'est un réalisateur qui a réalisé La Famille de Tenenbaums, The Grand Budapest Hotel. Et John Anderson, d'après Wikipédia, c'est le nom du père du personnage de Neo. Ah bah voilà. D'après okay. Wikipédia. Ok. Ok. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Encore un point de perdu. Dans Toy Story, de quelle agence galactique Buzz l'éclair est-il le meilleur ranger ? Est-ce que c'est Star Command ? Est-ce que c'est Starlight ? Est-ce que c'est Galaxy Command ou Starfleet ? Dans Toy Story, quelle agence galactique Buzz l'éclair est-il le meilleur ranger ? Star Command, Starlight, Galaxy Command ou Starfleet ? Là, j'ai un énorme doute. Ah oui. Parce qu'il me semble qu'il y a des mots qu'il va prononcer pendant le film, mais c'est pas forcément là. Bah, il le dit de toute façon dès qu'il agit, quoi. D'ailleurs, t'as un buzz d'éclair dans le salon, il dit le mot. Ouais, mais avec les quatre réponses, j'ai un doute. Ah bah oui, tout okay. à fait. Il y a Star Command, Starlight, Galaxy Command ou Starfleet. Je crois qu'il dit Star Command. Est-ce que tu valides Star Command ? Je vais valider Star Command, ouais. Et c'est une bonne réponse. Ah, ok, hein. Bon. C'est une bonne réponse. Faut suivre son instinct. Voilà, c'est d'accord. Ça. Bien joué, Bibou. Ah oui, il a bien joué, ouais, Bibou. Ah oui. C'est 7, le Bibou, là. Ben oui. Question numéro 9. Dans le film Jurassic Park de 93, de quel genre est le tyrannosaure russe Rex ? Est-ce que c'est un garçon ? Une fille ? On ne sait pas. Ou ni l'un ni l'autre, pour éviter la reproduction des dinosaures. Les dinosaures sont modifiés génétiquement pour ne pas avoir d'organes reproducteurs. Dans celui, le premier, en fait. Le premier, Jurassic Park, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah non, de toute façon, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils ont été modifiés génétiquement. Il leur manque un chromosome. Mais ils le leur refusent. Vous le leur refusez. Alors là, on dit qu'ils ont été modifiés pour ne pas avoir d'organes. Tout à fait. Voilà. Enfin, ne peuvent pas se reproduire. Donc, tous ceux qui naissent à Jurassic Park sont des filles. Donc, c'est une fille. Tu valides ? Et je valide. Et c'est une bonne réponse, c'était bien une fille. Et oui, toutes les filles, tous les dinosaures à Jurassic Park sont des filles. Mais et on le leur refuse, le petit chromosome, pour devenir un garçon. D'accord. Ah bah voilà, ça y est, je suis à 5. Tu es à 5, c'est ça, tout à fait. Ça remonte quand même. Ok. Question numéro 9. Dans lequel des films suivants, Sean Bean ne meurt-il pas ? Tu vois l'acteur ou pas ? Sean Bean, c'est l'acteur de Game of Thrones, il me semble. Je peux te mettre une photo vite fait si tu veux de Sean Bean. Bah, dis-moi les réponses, je vais te confirmer. D'accord. Si c'est, j'ai un doute. Dans comprends. Lequel des films suivants Sean Bean ne meurt-il pas ? Est-ce que c'est GoldenEye ? Est-ce que c'est Silent Hill Révélation ? Est-ce que c'est Le Seigneur des Anneaux ? Ouais. La Communauté de l'Anneau ? D'accord. Ou est-ce que c'est The Islander ? Oh là là là là là, ok. Alors effectivement, il est bien dans Game of Thrones, c'est celui qui joue le papa Stark. Mais je crois qu'il y avait même une blague à l'époque dessus, comme quoi il disait qu'il mourrait absolument dans tous les films. Voilà, c'est bien voilà. Lié, ok, d'accord, okay. Très bien. Donc dans lequel des films suivants Sean Bean ne meurt-il pas ? GoldenEye, Silent Hill Révélation Le Seigneur des Anneaux et The Island. J'en ai aucune idée. Ah ah. J'ai envie d'appeler Yannick. Tu veux appeler Yannick ? Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me répéter les questions parce que je ne peux pas voir ta fiche, j'imagine. Bah non. C'est non, ça, non. Ok. Alors, on va chercher le petit numéro de Yannick. Va-t-il savoir ? Je ne sais pas. Ah ça. Bonjour les amis. Salut Yannick. Salut. Comment tu vas ? Bah écoute bien, et ouais. Vous ? Bah ça va nickel, en pleine émission. Bah oui. Écoute, on est à la question 9 ou 10, on se démerde la pas trop. La question 9, ouais. Question 9, ouais. On se démerde pas trop mal pour l'instant, mais là je bloque sur une question. D'accord, bah j'espère que je vais pouvoir t'aider. Bah, là ça m'arrangerait, je te sais pas. Est-ce que tu vois l'acteur Sean Benn qui joue dans Game of Thrones, qui joue Stark, c'est ça ? Oui, ouais. Le papa Stark, tout à fait. Oui. Alors, d'accord. Dans lequel des films suivants, Sean Benn ne meurt-il pas ? Est-ce que tu as entendu Fadi quand elle parlait ? Non, je ne l'ai pas entendu. J'ai cru deviner dans quel film il ne meurt pas. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Dans quel film il ne meurt pas ? GoldenEye. GoldenEye. Silent Hill Révélation. Silent Hill Révélation. Le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau. Le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau. Et The Island. Ou The Island. Et là, j'en ai aucune idée, moi, pour ma part. Alors, GoldenEye, il meurt. Ouais. Moi, je me rappelais même pas qu'il jouait dans GoldenEye, tu vois. Donc. C'est lui qui joue l'espion. Il joue 006, je crois, au début du film. Ah, ok. Qui, en fait, est un méchant. D'accord, ok. Dans Le Seigneur des Anneaux, il meurt, ça, c'est sûr. Ah, ok, merci. Dans The Island, il me semble qu'il meurt. Et c'était quoi l'autre film ? Silent Hill. Silent Hill Révélation, c'est ça ? Oui. Ouais, Silent Hill. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Ben, moi non plus. Donc, je dirais Silent Hill ou The Island, mais il me semble qu'il meurt dans The Island. Bon, donc, ben, on partirait sur Silent Hill, alors, du coup. Moi, je miserais sur Silent Hill. Oui. Est-ce que vous validez Silent Hill ? Est-ce que tu valides le choix, Yannick ? Bah, si j'étais à ta place, ouais, c'est ce que je validerais, avec un doute sur The Island, mais pour moi, ça serait Silent Hill. Eh ben, on valide Silent Hill. Eh ben, c'est une bonne réponse, effectivement. Merci beaucoup, c'est Silent une bonne Hill. Réponse. Génial. Ah. Voilà, dans GoldenEye, il meurt d'une chute et après il est écrasé. Dans Le Seigneur des Anneaux, il meurt criblé de 3 grosses flèches. Dans The Island, il est touché dans le cou par un fusil harpon puis pendu par un câble. Et dans Silent Hill, il ne meurt pas, mais il ne sert pas à grand-chose non plus. Ok. En tout cas, bravo. Merci beaucoup et merci pour tes questions. Pour l'instant, c'est génial. Oh, c'était avec plaisir. C'était un exercice très intéressant à faire et c'était vraiment agréable. Donc, c'était vraiment avec plaisir. Cool. Merci beaucoup en Merci tout cas beaucoup. Yannick. Je reviens et vers toi tout à l'heure après l'émission, ça marche ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Amusez-vous à plus tard. Bien. Ouais, merci. Salut. Et bon, ben bah, voilà, cool. Encore merci un beaucoup point Yannick, Bibou. Génial. Ah ouais. Et encore un point pour Bibou que je vais noter. Et voilà, super. Alors bravo. Ça, sans Yannick, j'aurais jamais pu trouver quoi. Ah, vraiment. Tu vois, comme ouais, quoi ouais. C'est vraiment utile ce petit joker appel à un ami, c'est ouais. Vraiment vraiment pratique. En tout cas, bien joué à tous les deux. OK. Et ben c'est à ton tour pour la 10e question. Ouais. Alors, 10e question. Dans quel film entend-on cette réplique ? Une femme sans amour, c'est comme une fleur sans soleil, ça dépérit. Est-ce que c'est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ? Est-ce que c'est L'Étudiante ? Est-ce que c'est 8 femmes ? Ou est-ce que c'est Un homme et une femme ? Donc je répète la réplique, une femme sans amour, c'est comme une fleur sans soleil, ça dépérit. Amélie Poulain. Ouais. Bah, L'étudiante je... avec L'étudiante, Sophie Marceau. Ouais. 8 femmes ou Un homme et une femme. Je vais suivre mon instinct, je vais partir sur Amélie Poulain parce que je sais qu'il y a le mec qu'on surnomme le poète. Et effectivement. Et ouais, je ouais. Valide, ouais. Tu valides ouais. C'est une très bonne réponse, c'était bien Amélie Poulain. Yes. Des fois, faut garder son instinct. Mais oui. Allez, dans quel film Robin Williams incarne le professeur Keating ? Hook, ah. Will Hunting, Flubber ou Le Cercle des Poètes Disparus. Je redis la question pour les auditeurs et auditrices. À Keating, je l'avais déjà. Ouais, voilà. Dans quel film Robin Williams incarne-t-il le professeur Keating ? Hook, Will Hunting, Flubber ou Le Cercle des Poètes Disparus. Et je note déjà le point à Julien. Alors, que... sans hésitation, voilà. C'était bien Flubber. Non, je rigole. C'est bien Le Cercle des Poètes Disparus. Tu valides ? Je valide, ouais. C'est une très bonne réponse. Flubber. Flubber. Avec le nom Flubber. Ah, cool. Ah. Ok. Eh ben, à ton tour. Alors... tu es en train de me... Bon, ça va, t'as que 3 points d'avance par rapport à moi, mais quand même, quoi. Mais ouais, ouais, ouais là, ouais. Tu chauffes, là, t'as déjà ouais, enlevé ton short, t'es un poil, c'est en ça. Fait. Question numéro 11. Dans Seven, le film de 93 de Fincher. Alors, attention. Dans quel ordre sont exécutés les meurtres inspirés par les 7 péchés capitaux? Dans quel ordre? Là, ça va être un peu long. Question... Réponse 1. La gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, la colère et l'envie. Alors là, tu m'as dit gourmandise, avarice... Varice, paresse... Non, la paresse n'est pas en troisième, donc c'est pas la A. D'accord. 2. La gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Putain, il est chaud de cette question. C'est pas ça. Alors, troisième réponse, la luxure, la colère, l'avarice, non, la non, gourmandise... Là, ça commence pas par la luxure, donc... Et la 4, ouais. L'orgueil, l'avarice, ah, la luxure... C'est une des deux premières. Okay. Une des deux premières. Voilà, donc... Ah, j'étais persuadée que c'était... Alors, vas-y. Donc, il y a gourmandise... Alors, la première, ok. Gourmandise, avarice. Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure, colère et envie. Alors... Orgueil et luxure, ok. Envie et colère à la fin, ça c'est bon. C'est ça. Et la B. Et la B. Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure, envie et colère. Je vais dire la B. Et la je B. valide. Alors là, attends, il faut pas que je m'en mêle non plus. Tu valides la B, toi. Oui. Donc gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure, envie. Et la colère, est-ce que tu valides? Je valide, c'est ouais. une très bonne réponse, ouais, c'était ouais. bien celle-là. C'était pas évident, hein. Il y avait beaucoup de réponses, hein. Mais il faut garder le sens du film, en fait. Ouais. Tu gardes envie et colère à la fin, il y a gourmandise, avarice... Non, ouais, c'est ça. Ah, t'as réussi à pas te perdre. Ouais, moi, je suis paumé quand j'ai déjà trois éléments dans une réponse. C'était au niveau de la paresse, il y avait un truc entre la luxure et l'orgueil. Ouais, tu vois, c'est à ce moment-là que ça s'est joué. D'accord. Eh bien, bravo, hein, cette question, pas franchement pratique. Alors, dans le film de 1992, Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola, d'accord. Quel chanteur connu interprète Renfield, une des victimes du comte Dracula? Est-ce que c'est David Bowie? Est-ce que c'est Iggy Pop? Est-ce que c'est Alice Cooper? Ou est-ce que c'est Tom Waits? Et je dis que les quatre auraient pu jouer Renfield, en fait. C'est vraiment ça. Wow. Dans le film de 92 de Dracula, quel chanteur connu interprète Renfield, une des victimes du comte Dracula? Bowie, Pop, Iggy Pop, Alice Cooper ou Tom Waits? Alors, ils sont tous acteurs à leurs heures aussi. Mmh. Bowie a fait pas mal de films. Iggy Pop a beaucoup pareil. Joué avec Jarmusch. Alice Cooper aussi. En plus, on le voit dans Wayne's World. Alice Cooper. Alors, je vois pas Alice Cooper dans un film de Coppola. Pourtant, il est très... Il est métal, dark. Ouais, tout à fait. Vois, ouais. Il aurait pu... avec ses cheveux longs... Et Bowie, ça me dit rien. D'accord. J'ai envie de dire Iggy Pop. T'as envie de dire Iggy Pop? Ouais. D'accord. Il y a aussi Tom Waits. Alors, il y a Tom Waits, Alice Cooper, Iggy Pop ou David Bowie? Non, je vais dire Tom Waits. Tu restes, ok. Tu voulais donc. Je valide Tom Waits. Tu valides Tom Waits. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah là là, ok. Je me suis rappelé de lui dans les films de Jarmusch et c'est vrai qu'il a une gueule quand même. Donc. Ah, t'es à 10. Ah, bah c'est cool. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Bah si, moi je trouve ça cool. Non, c'est pas cool. Ok. Question numéro 12, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Ok. En 96, Baz Luhrmann sort un film devenu culte, notamment pour sa bande originale, mais aussi pour la particularité de son scénario. Donc c'est Roméo plus Juliette. Mais quelle est justement cette particularité de ce film? Attends, et c'est qui le réel? J'ai pas entendu le Baz Luhrmann. Ok. Pour Roméo plus Juliette. Ouais. Avec DiCaprio et oui. Claire Danes. Quelle est cette particularité? Le scénario est coécrit par l'unique descendant de Shakespeare, Hamnet Shakespeare. Le réalisateur a conservé le texte original de Shakespeare. Le texte est entièrement improvisé au moment du tournage. Ou aucun des trois, ce scénario n'a aucune particularité finalement. Je n'en ai aucune idée. Tu te rappelles un peu du film? Ouais, ou ouais, ouais, complètement. Ouais. Mais... Je tente. C'est quoi? Je vais dire la D. La D. Et je valide. Il n'y a pas de particularité. Ouais. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Si, si, si, si. Si le si. Réalisateur a conservé le texte de Shakespeare Oh punaise. Dans son intégralité pendant le film. Et ça, j'en ai aucun souvenir en fait. D'accord. Bah, tu as encore un film à revoir. Bon. Okay. Ouais. Oui, pourquoi pas. Ouais. Bah voilà. Ouais, ouais. Bon, bah, encore un point qui me passe sous le nez. Et oui. Comment se nomme le premier film de la saga James Bond ? Est-ce que c'est Bon Baiser de Russie ? Est-ce que c'est Moonraker ? Est-ce que c'est James Bond contre Dr. No ? Ou est-ce que c'est L'Homme au pistolet d'or ? Eh bien, ça ne me rajeunit pas tout ça. Le premier film de la saga James Bond. Bon Baiser de Russie, ouais. Moonraker, James Bond contre Dr. No ou L'Homme au pistolet d'or ? J'ai un doute avec les deux dernières, contre Dr. No ou L'Homme au pistolet d'or. Là, c'est vraiment du hasard parce que j'en ai aucun souvenir. Ça fait des années que j'ai pas vu ça. Je vais dire L'Homme au pistolet d'or. Est-ce que tu valides ? Et je vais valider. Et c'est une mauvaise réponse. Oui, ben L'Homme ouais. au pistolet d'or, c'est le 9e. La bonne réponse, c'est le Dr. No, qui est le premier. Bon Baiser de Russie, c'est le 2e. Et Moonraker est le 11e film. Ah, Moonraker, je savais que c'était bien après. Ouais. Ouais, ok. Donc c'est James Bond contre Dr. No. Contre Dr. Le premier film. Et Bon Baiser de Russie, le 2e. Ok, très voilà. bien. Donc pas de points. Pas de points. Pas de points. Non. Question numéro 13. Dans Indiana Jones et le Temple Maudit, ouais. Indiana, Willy et Demi-Lune sont invités à un repas, disons un peu particulier, dans une scène mémorable. Tout à fait. Quel mets succulent est servi en dessert ? Ah, comment je me souviens trop bien de cette scène. Je sais déjà d'avance ce que c'est. Je vais quand même les citer. Bien sûr. De la tarte au scarabée. Ah, ça aurait pu. De la cervelle de singe en sorbet. Du Queenaman au serpent. Joli. Je trouve ça joli aussi. C'est ouais. pas mal. Ou des beignets de tarentule. Ah, c'est... Enfin, tout est des... a l'air dégoûtant en fait. Bon, je sais que tu sais, mais est-ce que je les répète quand même ? Vas-y, répète. Alors, tarte au scarabée, mm-hmm. cervelle de singe en sorbet, d'accord. Queenaman au serpent ou beignets de tarentule. C'est dégueulasse. Non, c'est bien le sorbet dans la tête de chimpanzé. C'est dégueulasse. Wow. D'accord, eh ben, c'est une très bonne réponse. Bien joué. Merci, Bibou. Alors, tu passes à 8. Hein. Oui, oui, bah oui. Oui. Bah oui. On continue encore avec une petite question de James Bond. Sans compter Barry Nelson et David Niven, dont les films sont considérés à part, ouais. combien d'acteurs ont incarné 007 au cinéma ? Ok. Est-ce que c'est 4 acteurs, 5 acteurs, 6 acteurs ou 7 acteurs ? Jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Oh là là, on parle pas d'un film qui va sortir prochainement ou le d'accord, futur. D'accord, okay, on parle combien d'acteurs ont incarné au cinéma. Alors, 007. Je vais compter. Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Daniel Craig. Là, je suis à 5 et j'ai l'impression que j'en oublie un. Répète-moi les réponses, s'il te plaît. Alors, 4, 5, 6 ou 7 ? Je vais dire 5. Est-ce que tu valides 5 acteurs ? Je valide, j'en vois pas d'autres, en fait, là, comme ça. Et c'est une mauvaise réponse. Ah ouais ? C'est 6. Effectivement, il t'en manque un. Il te manque George Lazenby. Oh là, d'accord, je l'avais pas du voilà. tout, cela. Barry Nelson et David Niven considérés à part. Barry Nelson, il a joué dans Casino Royale, mais en 1954. Ok. Avant la saga. Et David Niven, c'est un film parodique, en fait. C'est pour ça qu'ils sont mis en okay. compte à part. Très bien. Voilà. Mais il y a bien 6 James Bond. Eh ben, j'avais pas du tout voilà. de l'air. Ok, très bien. Et voilà encore un point qui s'envole. Oui, je suis toujours devant. Hein. Oui, bah, ça va. Mm. Ça va. Question numéro 14. Dans Pulp Fiction de Tarantino en 94, Mia Wallace et Vincent Vega nous offrent une de ces scènes de danse les plus mythiques au cinéma. Tout à fait. Mais comment s'appelle le restaurant ambiance années 50 où on mange dans des voitures servies par des stars de cinéma et on boit des milkshakes à 5$ ? C'est ça. Comment s'appelle le restaurant ? Le Big Kahuna Burger, le Teriyaki Donut, le Jack Rabbit Slim ou le Never Can Tell ? Tu peux les redire ? Je vais les redire, oui. Le Big Kahuna Burger, le Teriyaki Donut, le Jack Rabbit Slim ou le Never Can Tell ? Big Kahuna Burger. Je valide. Tu valides le nom du restaurant. Ah ouais. L'autre avec Rabbit, c'était quoi ? Le Jack Rabbit Slim. Oh putain. Oh, un petit doute sur un film que tu connais pas. Ouais, quand même. C'est cool. C'est horrible. Est-ce que tu veux que je répète une dernière fois ? Vas-y. Le Big Kahuna Burger, le Teriyaki Donut, le Jack Rabbit Slim ou le Never Can Tell ? Big Kahuna Burger. Je valide. Tu valides ? Ouais. C'est une mauvaise réponse. C'était le Jack Rabbit Slim. Voilà. Tu vois, j'ai hésité entre les deux. Le Big Kahuna Burger, c'est le burger que mange Samuel L. Jackson avant de réciter un passage du livre d'Ézéchiel, chapitre 25, verset 10. T'as vu ? Que je connais par cœur d'ailleurs, mais que je ne ferai pas aujourd'hui. Le Teriyaki Donut, c'est un restaurant imaginaire de l'univers de Tarantino, mais pas dans celui-là. Et le Never Can Tell, c'est le titre de la chanson sur laquelle dansent Mia et Vincent. Voilà. Vincent Vega. Mia Wallace. Donc voilà. Bon, ben tu vois, je me suis bien plantée. 14e question. Ça me le doute, hein, quand t'as des... C'est horrible. Dans le film d'animation Chicken Run, grâce à leur machine, dans quelle fabrication industrielle se lancent les éleveurs de poules ? Est-ce que c'est des nuggets ? Est-ce que c'est de la tourte au poulet ? Est-ce que c'est du poulet rôti ? Ou est-ce que c'est du poulet basquez ? Ah, du poulet, ok. Dans le film d'animation Chicken Run, dans quelle fabrication industrielle se lancent les éleveurs de poules grâce à leur machine ? Les nuggets, la tourte au poulet, le poulet rôti ou le poulet basquez. Alors, je me souviens pas trop de ce film, mais je sais pas pourquoi tourte au poulet, c'est ça ? Mm-hmm. Ça me parle en fait. Est-ce que tu valides ? Ça me parle. Après, j'ai aussi des nuggets, du poulet rôti ou du poulet basquez. Poulet basquez, je le vois pas, c'est marrant, mais je vois pas ça. Non, je vais rester sur une tourte au poulet. Je la vois en plus dans le film. Okay. Je me trompe peut-être, mais... Tu valides ? Je vais valider, ouais. C'est une bonne réponse, Bibou. Bien joué. Bien joué. Ah, te voilà, 11. Là, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ouais, c'est bien. Question numéro 15. Dans le film Chérie, j'ai rétréci les gosses, en 90... Lors de la traversée du jardin, lequel de ces quatre animaux ne croise jamais le chemin des enfants ? Alors, une abeille, un lézard, un scorpion ou une fourmi ? Alors là, c'est pareil, j'ai la réponse tout de suite, mais je te laisse redonner les... Bien sûr. Les animaux. Alors, lequel de ces quatre animaux ne croise jamais le chemin des enfants ? Tout à fait. Une abeille, un lézard, un scorpion ? Ou une fourmi ? Eh bien, sans hésiter, c'est le lézard. C'est le lézard, et tu valides, j'imagine. Je valide. C'est une très bonne réponse. Et la fourmi, elle s'appelle Mimi. Ah, et puis dans cette scène horrible, cette fourmi. Ouais. C'est horrible. Et bien, justement, elle meurt à cause du scorpion. C'est elle qui se prend le dard pendant la bataille. C'est ça, c'est ce que m'a noté Yannick sur ses notes. Ouais. C'est exactement Elle est horrible, cette scène. J'ai pleuré quand j'étais petite avec Mimi. Mais je suis quasiment sûr que je le remate maintenant. Je crois que je vais pleurer encore. En plus, c'est même pas des effets de synthèse, c'est de la stop motion, il me semble. Et c'est hallucinant. Enfin, c'est trop bien fait, quoi. Et l'abeille, on se souvient bien de la scène de l'abeille aussi. Alors, question numéro 15. Quel acteur n'a jamais interprété Hulk au cinéma ? Edward Norton, Eric Bana, Guy Pearce ou Mark Ruffalo ? Qui n'a jamais interprété Hulk ? D'accord. Edward Norton, Eric Bana, Guy Pearce ou Mark Ruffalo ? Alors, Ruffalo et Norton, c'est sûr qu'ils l'ont fait. Après, il reste Guy Pearce et Eric Bana. Eric Bana, on dirait le nom de Hulk dans le film, en fait. Il s'appelle Banner, il me semble. Oui, il s'appelle Banner, ouais. Ouais, ouais. Le nom du personnage, hein, pas de l'acteur. Oui, tout à fait. Donc, j'ai envie de dire Guy Pearce. Est-ce que tu valides ? Non. Quel acteur n'a jamais Ouais, c'est ça, tout à fait. Et Eric Bana, je vois pas qui c'est, en fait, donc... Je vais dire Eric Bana, en fait. Et je vais valider Eric Bana. Et c'est une mauvaise réponse. Eric Bana a bien interprété Hulk au cinéma dans le film de 2003. Edward Norton, c'est dans le premier film du MCU. Et Mark Ruffalo dans les autres films. C'est ça, tout le temps. Et c'est Guy Pearce qui l'a jamais interprété. Ah putain, c'était mon premier choix. Ok. Faut toujours suivre son instinct. Ouais. Oui, en fait, oui. Ouais. Bon, ouais. Elles sont bien les questions de PV, c'est cool. Ah oui. Bien joué, PV. Il a bien joué. Ouais. À ton tour. Question numéro 16. Au tout début du film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, dont on écoute la BO, après avoir récupéré et perdu l'idole Chachapoyan, Indiana monte dans un hydravion. Oui. Mais quel est le matricule de cet hydravion ? Oh là là ! Oui, vas-y. Moi, je l'avais, mais... Alors, le matricule. R2-D2, en référence au petit droïde. OBCPO en référence à Obi-Wan et C3PO. Ouais. SP1246 en référence à Spielberg qui est né en décembre 1946. Ou THX1138 en le référence fameux. Au film de Lucas et producteur et co-créateur d'Indiana Jones. Et bah, je vais suivre mon instinct sur le fameux THX parce qu'il y est souvent, c'est vraiment un easter egg très présent. Donc je valide. Est-ce que je les répète ou pas? Oui, vite tu fait. Peux les répéter. Alors, excuse-moi. R2-D2, ouais. OBCPO, ouais. SP1246 ou THX1138. Donc THX1138, je valide. Tu valides? Ouais. C'était une mauvaise réponse, c'était OBCPO. Ah. En référence à Obi-Wan et C3PO. Eh bah tu vois, voilà. Je te note, pas de points. Dans Inception de Christopher Nolan, les personnages ont la capacité de voyager et d'évoluer dans les rêves d'autres personnes. Mm-hmm. Mais comment se nomme la couche la plus profonde des rêves, tant redoutée par les personnages? Est-ce que ce sont les limbes, les profondeurs, les abysses ou les ombres? Dans Inception, ceux qui voyagent au sein des couches, au sein des rêves... comment ça nomme la couche la plus profonde, tant redoutée par les personnages? Les limbes, les profondeurs, les abysses ou les ombres? Eh bien, je pense à l'avoir, mais j'ai un doute, en fait. Avec les trois autres réponses, du coup. Ouais. Pour moi, c'est les limbes. Alors après, il reste les profondeurs, ouais. Les abysses ou les ombres? Ombre, je pense pas. Tu m'as dit tout à l'heure, suis ton instinct. Ouais. Suis ton instinct, Bibou, suis ton instinct, tu m'as dit. Ouais. Je veux dire les limbes alors, j'ai validé les limbes. Tu valides et c'est une bonne réponse. Ok. Voilà. Faut que j'arrête de te donner des conseils, du coup tu gagnes. Bah tu m'as. Oui, ok. Quel conseil. Eh bien, question numéro 17 déjà. Dans The Mask en 94. Yeah! Où Stanley Ipkiss découvre l'extraordinaire masque à l'origine de ses pouvoirs. Mm-hmm. Il lui est envoyé par courrier de manière mystérieuse. Le chien lui ramène lors d'une promenade. Il lui tombe du ciel sur la tête, d'ailleurs. Ou il le découvre dans une rivière au milieu de détritus. Eh bah, ben pareil, là aussi c'est un film que j'ai vu je ne sais pas combien de fois. Mmh. Donc je connais la réponse, donc je te laisse redonner les réponses. Alors, il lui est envoyé par courrier. Le chien lui ramène lors d'une promenade. Il lui tombe sur la tête. Ou il le découvre dans une rivière au milieu de détritus. Eh ben, il le retrouve dans une rivière au milieu de détritus. Et tu valides. Et je valide. C'est une très bonne réponse. Merci. Eh ben, tu es passé à 10. Oui, oui, oui. Rien n'est joué, rien n'est joué. Rien n'est joué, ouais. Exactement. Question 17. À ce jour, quel est le plus gros succès français au box-office mondial? Ouh. Le plus gros succès français au box-office mondial. D'accord. Est-ce que c'est Lucie de Luc Besson? Est-ce que c'est Intouchable d'Olivier Nakache et Eric Toledano? Ouais. Est-ce que c'est Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone? Ou est-ce que c'est The Artist de Michel Hazanavicius? Donc là, on parle bien de box-office. Hein. Mondial. Ok. Un film français au box-office mondial. Lucie, Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis ou The Artist? Alors d'instant, je dirais The Artist parce qu'il a remporté des Oscars, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus grand succès au box-office. Tout à fait. Lucie, j'espère que c'est pas Lucie. Donc il y a Lucie, Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis et The Artist. j'ai envie que ça soit Intouchable dans la liste. Mais c'est pas forcément. Non, c'est évidemment pas Intouchable. J'en ai aucune idée. Si je te demande un indice. Tu vas me faire un 50-50 ou tu peux me faire un indice? Ouais, je vais te faire un 50-50. Bah, je veux bien alors. Ouais. Alors, je te fais un 50-50. Ouais, je veux bien. Ouais. Alors, il reste Lucie et Intouchable. Lucie et Intouchable. Écoute, même si je me plante, je peux pas dire Lucie, donc je vais dire Intouchable. Et c'est une mauvaise. Tu valides? Je valide. Ouais, c'est une mauvaise réponse. C'est Lucie. C'est Lucie. Putain, d'accord. Je veux pas que ce soit Lucie. Ouais, mais c'est Lucie. Ouais, ouais, ok. Bon, bah, écoute. Ouais, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Question numéro 18. Ouais. Ah. Excusez-moi. Laquelle de ces quatre propositions ne désigne pas une des scènes d'ouverture d'un des quatre âmes fatales? Le désamorçage complètement loupé d'une bombe par Riggs et Murtaugh. Roger Murtaugh et Martin Riggs sont sous sur un bateau et tombent à l'eau. une fusillade contre un mec en armure équipé d'un lance-flammes et d'une mitraillette, ou une course-poursuite en voiture entre les deux héros et un malfrat. Donc, on parle vraiment de la scène de début. Hein. Dedans, il y a une scène dans les scènes que tu qui m'as n'est dit. Pas qui dans n'est pas des dans un des ouais. Et la B, c'est quoi? Morteau et Riggs sont sous sur un bateau et tombent à l'eau. On dirait du but de blague, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Tu penses que c'est je ça? Je valide, ouais. Je valide la B. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Ouais, je vois toutes les autres, en fait. En plus, avec l'homme, avec le lance-flamme, ouais. Il finit en caleçon, l'acteur. Ouais, ouais. Alors, c'est bien, apparemment, une scène tirée du film numéro 3, oui. Mais ce n'est pas une scène d'ouverture. C'est pas une scène d'ouverture, voilà. Exactement. Bon, bah, bien joué. Et encore un petit point, là. Donc, ouais. ça fait 11. Ça fait 11. Eh bien, mais tu remontes. Ah ouais, ouais, non, mais attends, je remonte. Bon, bah, c'est la question 18. Alors, je baisse le son, parce que j'ai un... Qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite directive de la part de Pépé. Ah ouais, ok. Ouais. Alors, dans quel film de Tarantino figure une scène culte pour bande sonore ce morceau? Alors, je ne le ferai qu'une seule fois, donc bon, il faut verra, bien ça. Écouter. D'accord. Je peux chanter avec toi aussi. Est-ce que c'est A, Inglourious Bastard? D'accord. Est-ce que c'est B, Jackie Brown? Est-ce que c'est C, Reservoir Dog? Ou est-ce que c'est D, Pulp Fiction? Tu trembles en fait. Ouais. Je suis en train de regarder, j'ai, j'ai des petits... Ouais. Mais bien joué en tout cas. Ouais, j'espère. Ouais. Donc, dans quel film de Tarantino, une scène culte avec pour bande sonore ce morceau? D'accord. Que vous avez écouté avant. Bien joué. Merci beaucoup. J'étais dedans. J'étais ouais, dans le film. Ouais, je voyais Michael Madsen qui sortait de l'entrepôt pour aller récupérer un truc dans son coffre. Alors, c'est pas cette scène-là, mais c'est quel film? C'est Reservoir Dogs. Tout à fait. Et la scène, en fait, c'est Harvey Keitel qui torture Tim Roth et lui coupe l'oreille. Et c'est okay. Stuck in the Middle with You. Okay. Stuck in the Middle with You. Bon, bah, je suis contente parce bien que joué. J'avais proposé à péremptoire le Kazoo ou le Lala. Mm-hmm. Parce que si je te mettais le morceau, t'allais trouver tout de suite. Mais en fait, il m'a dit Meumeu. J'ai validé. Mais même avec Meumeu, t'as trouvé tout de suite. Bien joué. Bon, voilà. Bon, bah, c'est validé. Mais c'est Michael Madsen, hein, c'est pas Harvey Keitel qui torture Tim Roth. Ah, bah, dans les notes de péremptoire, okay. Il a marqué. Ah, bah, je reverrai le film, j'irai vérifier. Ok. Donc, et voilà, Julien est passé à 13. Mais en tout cas, très bien joué le Meumeu. Merci beaucoup. Ok. Pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, question numéro 19. Tout à fait. Lequel de ces films n'a pas eu de BO composé par Queen? Highlander. Ouais. Rocky 4. Flash Gordon. Ou aucun des trois, Queen n'a jamais composé de musique de film. Oh punaise. Donc je répète, lequel ouais, de ces films n'a pas de BO composé par Queen? Highlander, Rocky 4. Mais je crois que Queen n'a jamais composé. Flash Gordon. Où je vais où ouais. Queen n'a jamais composé de musique de film. Oh, enfin, quand je dis composé, qu'on entend dans un des films. Hein. On est bah bien si, d'accord. On entend quand même du Queen dans certains films. Oui, d'accord. Ouais, ouais, de ouais. Là, ah. Oh, je vais utiliser mon Joker indice. Ouais. Ouais. Tu peux me faire un indice ou pas? Un indice... C'est possible ou tu préfères me faire un petit 50-50? Attends, je réfléchis, je peux te faire un indice. Je vais te faire un 50-50 en fait, c'est plus simple. D'accord, ok. Ouais. Donc, dans quel film il n'y a pas de musique de Queen? Vas-y, je t'écoute pour ton 50-50. Donc, je t'enlève deux mauvaises réponses. Ouais. Je vais t'enlever Flash Gordon... Et la quatrième qui dit que Queen n'a jamais composé de musique de film. Donc il te reste Highlander et Rocky 4. Donc c'est Highlander qui n'a pas Queen. Est-ce que tu valides? Je valide. Eh bien non, c'était Rocky 4. Bon. D'accord, bah j'étais persuadée qu'il y avait du... Ok, bon bah j'ai pas de point. Bon bah... Désolé. Bon bah tant pis. Dans le film True Lies, sorti en 1994 avec Schwartz et Jamie Lee Curtis, ouais. C'est un remake américain, mais de quel film français? Je crois que je l'ai. Est-ce que c'est La Totale? Est-ce que c'est l'Opération Cornet Beef? Est-ce que c'est L'Union Sacrée? Ou est-ce que c'est Nikita? Tu veux que je redise les réponses? Vas-y, redis-le, mais je pense que je l'ai. C'est la totale, l'opération Cornet Beef, l'Union Sacrée ou Nikita. Un remake donc du film True Lies. True Lies, c'est le remake d'un film français. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, c'est la totale. Est-ce que tu valides? Je valide la totale. Et c'est une bonne réponse, la totale qui est sortie en 91 avec Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell et Michel Bougenat. Voilà, encore un Thierry Lhermitte dans True Lies, c'est génial. Thierry Lhermitte et Jamie Lee Curtis dans True Lies. C'est ça. Donc encore un point pour Bibou. Cool. Mm-hmm. Bah, je trouve ça cool. Ouais, c'est cool, ouais. C'est cool. Question numéro 20. Combien y a-t-il de suspects dans le film Usual Suspect? Est-ce qu'il y en a 4, 5, 6 ou 7? Je suis en train de compter les suspects sur l'affiche du film. Mmh. Et on avait l'affiche dans les toilettes à un moment. Ouais. Je sais pas où elle est passée d'ailleurs. Alors 4, 5, 6 ou 7? Ouais, c'est 6 ou 7. Oh, j'ai un petit Benicio del Toro. On est à la question numéro 20, c'est ça? Numéro 20. Il va en rester 5 derrière. Je vais utiliser mon dernier joker. Ouais. Ouais, je vais appeler péremptoire. Donc j'aurais pas besoin de te rappeler les questions. Non, c'est 4, 5, 6, 7. Hein. C'est ça, c'est exactement. Ça. Ouais, okay. Ouais. Je vous laisse tranquille. On va je voir. Je vais boire ma petite trappiste. Ah bah oui. Faut en profiter quand même un petit peu. Bon bah j'espère qu'il va savoir péremptoire. Ça, je ne sais pas. Est-ce que mon téléphone veut bien appeler péremptoire? Ça sonne. Suspense. Allô? Bonjour, bonjour, Pépé, ça va? Bonjour, les petits loulous. Comment ça va bien? Eh ben, ça va très bien, et vous? Eh ben, ça va. Ça enregistre bien? Eh ouais, ça enregistre bien, mais j'ai besoin d'un petit coup de main, là. Ah oui, j'imagine qu'on m'appelle pas pour rien. Bah, c'est ça, c'est ça. Dis voir, Pépé, tu as vu le film Usual Suspect ou pas? Oui, j'ai vu. Tu l'as vu, ok. Je l'ai vu, mais alors... J'ai quelques petits souvenirs, on va voir. Voilà. En fait, la question que me pose Julien via Yannick, c'est combien y a-t-il de suspects dans Usual Suspect? Est-ce que c'est 4, 5, 6 ou 7? Et en fait, moi, j'hésite entre... Parce que je vois l'affiche du film. Ouais, aussi. Et le truc, c'est que j'hésite. Alors, je vais pas te dire entre quoi et quoi, parce que sinon, ça va te... Alors... Laisse-moi réfléchir. Je dirais comme ça, d'instinct, je dirais 5. Ah, ok, bah alors... Mais, ouais, je dirais 5, mais franchement, je ne suis pas sûr. J'ai l'affiche, je vois très bien l'affiche. Bah ouais. Et moi, j'en vois 6. Une affiche blanche où on les voit chacun. Ouais. Et moi, j'en vois 6. En ligne. Ouais. D'instinct, je dirais 5, mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc, prends ça avec des pincettes. Bah, tu sais quoi, en plus, comme... Tu as fait des super questions parce que franchement, elles sont top tes questions. Je vais valider ta réponse. Donc, c'est quoi, Julien? Je valide la réponse de péremptoire, c'est-à-dire 5. Donc, vous validez 5. Voilà. Et c'est une très, très bonne réponse. Yes, c'est bien 5. C'est une bonne réponse, péremptoire. Bravo. Bien joué. Bien joué. Alors, ça avance bien, vous? Bah ouais, ça avance bien. On est à la question numéro 20. Donc, ça avance bien. Et puis, Julien est en train de gagner, là. Ah, mes questions sont passées, donc c'est ça? Non, il y en a quelques-unes où il a eu du mal, mais... Dis donc. C'est pas mal, pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup, péremptoire. Eh ben, de rien. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bon enregistrement, bisous. Merci, bisous. Bon, bah, c'était un point bien mérité. Merci beaucoup à Péremptoire parce que moi j'étais partie sur 6. T'étais partie sur 6, ouais, sinon c'était bien 5. Et bah voilà. Donc, je suis passée à 12, du coup. 12 points. Et oui, je note, oui, exactement. Ah, ouais. Heureusement qu'il était là, hein. ça a sauvé les murs. Hein. Alors, donc, c'est à mon tour, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, la 20e question. Où se déroule l'action du film Les Infiltrés, réalisé par Martin Scorsese? Est-ce que c'est New York? Est-ce que c'est Détroit? Est-ce que c'est San Francisco? Ou est-ce que c'est Boston? Okay. Où se déroule l'action du film Les Infiltrés, réalisé par Martin Scorsese? New York, Détroit, San Francisco ou Boston? Ok. Ok. Non, je pensais pas ça. C'est... En fait, j'ai la réponse, mais je suis en train de me dire qu'il y a une chanson qui s'appelle, je sais plus quoi, Boston, dans le film, d'un groupe de punk, tu sais, irlandais, qu'on écoute souvent. Comment il s'appelle ? Dropkick Murphys. Dropkick Murphys, ouais. Et qui est dans le film. Et le titre finit par Boston, donc j'imagine que le film se déroule à Boston. Tu te souviens plus où il a lieu, le film ? Les infiltrés ? Là, comme ça, non. Non, si je me base pas par rapport à la musique. Ouais. Donc, t'as New York, Détroit, San Francisco et Boston. New York, c'est sûr. Ouais. San Francisco, c'est sûr que non. Détroit ou Boston ? Mais je vais quand même partir sur Boston. Est-ce que tu valides ? Je vais valider Boston, ouais. Eh bah, ben, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Une famille de la mafia irlandaise est au centre du film et historiquement, il y a une très grande communauté irlandaise à Boston. D'accord, ok. Détroit, c'est le flic de Beverly Hills ? Oui, il y a beaucoup de films, mais oui. Oui. Oh, hein? Axel Foley. Non, on peut pas. On peut plus faire ça. Non, on peut plus. Pardon. Eh ben, bien joué, Bibou. Bien joué, Bibou. Ouais. Et voilà, 15 points. Pour te coup. C'est bien. Moi, je trouve ça bien. Non, moi, je trouve pas ça bien, là. Je vais retirer les gants. Et après, c'est le jeu du boxeur. Ouais, t'as remis ton. C'est ça, c'est le jeu. Ta ceinture de championne du monde. Attends. Il reste des questions. Attends. Ouais, alors, je suis à la question 21, moi. Ok. Dans le film original de 68, La planète des singes, comment est composé l'équipage qui quitte la Terre pour se retrouver dans un futur dominé par des singes ? D'accord. Donc, comment est composé l'équipage ? C'est une femme et trois hommes, deux femmes et deux hommes, quatre hommes ou une femme et deux hommes ? Alors, il y a une femme, ça c'est sûr. Alors, je répète. Une femme et trois hommes ou une femme et trois hommes, deux femmes et deux hommes, quatre hommes ou une femme et deux hommes. J'hésite entre une femme et deux hommes et une femme et trois hommes. Je vais prendre une femme et deux hommes. Et je valide. Tu prends une femme et deux hommes. Ouais. C'était une mauvaise réponse, c'était une femme et trois hommes. Ah bah voilà. Et d'ailleurs, la pauvre décède dès le début du film pendant, bon, c'est ça. Donc, pendant le voyage avec un problème de son caisson d'hypersommeil. Ouais. Voilà. Super. Donc il reste trois hommes. Bon. Quoi ? T'as un commentaire ? Mais j'ai encore perdu un point. Ah oui. Oh là là. Allez, 21e question. Quel film de science-fiction raconte à travers une parabole l'apartheid ? Qui fut aboli d'ailleurs en 1991. Je l'ai déjà celui-là, mais vas-y. Bah oui. Est-ce que c'est Elysium ? Est-ce que c'est District 9 ? Cowboy contre envahisseur ? Ou Chappie ? Quel film de science-fiction raconte à travers une parabole l'apartheid aboli en 91 ? Elysium ? District 9 ? Cowboy contre envahisseur ? Ou Chappie ? Alors, c'est District 9 et je valide ce choix. Et c'est une très bonne réponse. Et la séparation, c'est entre les aliens parqués dans les camps à l'écart des humains. Et ouais. Ça se passe d'ailleurs en Afrique du Sud. C'est ça, exactement. Super film d'ailleurs. Très bon film. Ouais. À ton tour. Question numéro 22. Dans, normalement ça dit Jumanji, mais moi je dis Jumanji, de 95. Combien de temps le personnage interprété par Robin Williams reste enfermé dans le jeu avant d'être libéré par Judy et Peter ? Est-ce qu'il est enfermé pendant 16 ans, 26 ans, 36 ans ou 46 ans ? Donc je répète, 16 ans, 26 ans, 36 ans ou 46 ans ? Je vais dire 36 ans et je valide. Tu valides ? Oui. C'est une mauvaise réponse, c'était 26 ans. Ah bon. Il reste enfermé de 69 à 1995. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Hein. Mais Jumanji ? Bah oui, Jumanji en plus. Ouais, non, ouais. Mais je suis quasiment au tapis là, je suis désolé de te dire ça. Mais, Mais ouais, non, mais je sais bien. Bon, allez, on continue quand même. Ah bah oui. Marc Sinclair Vincent est le vrai nom de quel acteur ? Oula. Okay. Marc Sinclair Vincent. D'accord. Est-ce que c'est Vincent D'Onofrio ? Marc Ruffalo, Vin Diesel ou Mark Wahlberg ? Bah si c'est ça, vu que je perds, moi je bois de la bière. Voilà. Vas-y. J'en ai aucune idée en fait. Marc Sinclair Vincent. Est-ce que c'est Vincent D'Onofrio, Marc Ruffalo, Vin Diesel ou Mark Wahlberg ? Ouais, et puis j'ai plus d'indice en plus, j'ai oublié de le noter, mais... Non, j'ai fait mon indice hein, que t'as fait... Ouais. Ouais, ok, j'ai plus rien. Non, t'as plus rien, t'as plus que les yeux pour pleurer. Son vrai nom, D'Onofrio, c'est bien le mec qui joue dans Full Metal Jacket. Tout et à fait. Ok. Mark Wahlberg. Mark Ruffalo, Vin Diesel ou Mark Wahlberg ? Tu sais, il s'appelle vraiment Vin Diesel ? Est-ce que Mark Ruffalo s'appelle vraiment Mark Ruffalo? Est-ce que Mark Wahlberg s'appelle vraiment Mark Wahlberg? Est-ce que Vincent D'Onofrio s'appelle Vincent D'Onofrio? Je sais pas, je vais dire Vin Diesel en fait. Est-ce que tu valides? Oui, je vais valider, ouais. Il peut pas s'appeler Vin Diesel, enfin c'est pas possible. Et Vin Diesel s'appelle Marc Sinclair Vincent, wow, c'est une bonne réponse. Ouais, bon bah là c'est vraiment foutu de chez foutu. Hein. Là c'est Tandax, ouais. Ouais, là c'est foutu de chez foutu. Bon, continue quand même. Bah oui, oui, oui. Ok. Ah, sur celle-là, attends. Ah, mais même. Oui, je sais bien. Ouais, on a la 23e, ça suffira jamais. Allez, à toi, vas-y. Dans le film Hook de Spielberg de 92, oui, le capitaine Crochet organise sur son bateau un match du sport pratiqué par Jack, le fils de Peter. Tout à fait. Mais de quel sport s'agit-il? C'est facile. Est-ce que c'est du baseball, du basketball, du football américain ou du hockey sur gazon? Ça aurait été sympa, du hockey. Sur bateau. Sur bateau, du hockey sur bateau. Non, c'est du baseball. Et du je baseball, valide. Et tu valides, c'est une très bonne réponse. Bah, quand même. Bien joué, Bibounette. Merci, mon bibou. Ma 23e question. Quelle comédie de 1994 est réalisée par Ivan Reitman raconte l'histoire d'un chercheur qui tombe enceinte après avoir testé un médicament destiné aux femmes? Ouais. Est-ce que c'est Junior? Est-ce que c'est Baby Boom? Est-ce que c'est Trésor? Ou est-ce que c'est Trois hommes et un bébé? Junior, okay. Baby Boom, Trésor et Trois hommes et un bébé. Donc c'est une comédie où un chercheur tombe enceinte après avoir testé un médicament destiné aux femmes. Alors je vais dire Junior avec Schwarzy et... c'est Danny DeVito ou... Oui, c'est Danny DeVito. Ok, bah, je vais dire Junior. Et c'est une bonne réponse. Bravo Bibou. Bravo Bibou. Quoi? Bah rien. Bah je dis ouais. Oui, bah, c'est bien de s'auto-congratuler. Bah oui. Ça fait du bien. Question numéro 24. Allez, on y va. Mon avant-dernière question. Alors moi, j'aurais pas trouvé parce que j'ai pas vu le film. Dans le film Des Hommes d'honneur de 92, Tom Cruise, qui incarne l'avocat Daniel Caffey, cherche à faire avouer la vérité sur le code rouge du colonel Nathan R. Jezep. Je voyais mal, excusez-moi. Dans la scène finale du film au tribunal. Mais quel acteur de légende incarne le colonel Jessep? Oh là là. Est-ce que c'est Daniel Day-Lewis, Al Pacino, Jack Nicholson ou Robert De Niro? Un homme d'honneur avec Tom Cruise et... Et Daniel Day-Lewis, Al Pacino... Non, Robert De Niro. Jack Nicholson ou Robert De Niro? Je valide Robert De Niro. Tu valides, tu ouais, es sûr? Je valide. T'es plus à ça près, c'est ça? C'est ça. C'est une mauvaise réponse, c'était Jack Nicholson. Bah voilà, j'hésitais avec Jack Nicholson. Bah ouais, ouais. Bah voilà. Et quand j'ai eu Yannick au téléphone, je lui ai promis qu'on allait regarder ce film. Ouais. Voilà. Mais je l'ai vu, mais il y a longtemps en fait. Et j'ai dû le voir une fois. Ouais. J'ai dû le voir une fois. Bah, moi j'en avais aucun. Il est un peu long et c'est... Ça va, tu vas t'endormir. Tu vas trouver ça long. Après, Yannick, il m'a dit c'est les films de tribunaux, tu vois, qui se oui, passent, voilà. Tu vois les fameux films qui se passent dans les tribunaux. Et moi j'aime bien. Il est sorti à peu près à la même époque où il y avait une Kevin Costner qui avait sorti le film JFK. 92, ah ouais, c'est possible. Ouais. C'est des films que j'avais en cassette vidéo et c'est des longs films en fait. Ouais, mais pourquoi pas. Mais après, c'est ouais, hyper intéressant quoi. Alors, dans 4 garçons pleins d'avenir, il m'a fait trop bizarre de voir cette question. Pour quelle raison le gardien de l'immeuble, interprété par Patrick Sébastien, vient-il sonner à la porte d'Arnaud, un des héros du film? Tu te souviens du film parce que Sébastien, c'est un de ses voisins à Arnaud dans son immeuble. Ouais, mais je me rappelais pas qu'il y avait Patrick Sébastien dedans. Il vient emprunter du sucre. Il lui ramène du courrier, il cherche son chat ou il l'invite pour boire un coup. Ah, attends. Est-ce que Patrick Sébastien, qui est le gardien d'immeuble, vient voir Arnaud pour lui emprunter du sucre, lui ramener son courrier, chercher son chat ou il l'invite pour boire un coup? J'allais dire son chat, mais je crois que s'il a fait ça, c'est par rapport au film de Clapiche. Chacun cherche son chat. Et j'en ai aucune idée. Tu vois, je me rappelais même plus qu'il y avait Patrick Sébastien dans le film, en fait. Je vais dire le courrier. Le courrier, est-ce que tu valides? Je vais valider le courrier, eh ouais. Ben non, il vient pour chercher son chat. Ah putain, ok, voilà. J'aurais dû, ok. Voilà. Bon, bah ok. Pas bien joué, Bibou. Oui, bah oui. T'es méchante. Non, je suis pas méchante. Allez, pour la 25e question et la dernière. Ok. Il te reste une après toi ou pas? Bah non, c'est... C'est toi qui dois poser la 25e. D'accord, ok. Laquelle de ces punchlines n'est pas prononcée, par Schwarzenegger? T'aimes les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un tupperware. Tu te souviens, je t'ai promis que je te tuerais le dernier. Je t'ai menti. Ou t'as une gueule de porte-bonheur. Alors, l'omelette sans casser des œufs, ça c'est bon. T'as une gueule de porte-bonheur aussi. La B et la C, c'est quoi? La B et la C, c'est si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un tupperware. Et la C, c'est tu te souviens, je t'ai promis que je te tuerais le dernier. Je t'ai menti. Eh ben c'est la B et je valide. Donc la B, si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans le machin, ok. Eh ben c'est ça. Merci. C'est une bonne réponse. C'est Chuck Norris qui dit ça dans le film Invasion USA. Ouais, ça fait plus Chuck Norris de toute façon. T'aimes les omelettes, je te casse les œufs, c'est dans Last Action Hero. Tiens, je te casse. Tu te souviens, je t'ai promis que je te tuerais le dernier, je t'ai menti, c'est dans le film Commando. Et t'as une gueule de porte-bonheur, c'est dans Predator. C'est une très bonne réponse. Merci Bibou. En tout cas, bien joué pour ces questions, Yannick. Ouais, c'était bien. Bravo. Et puis la petite dernière. Ah bah c'est ça que je te demandais tout à l'heure s'il y avait une dernière. Oui, il y avait 25 questions. Ouais. Dans le film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, sorti en 1957, 12 membres du jury doivent statuer sur le sort d'un jeune homme de 18 ans. Mais de quoi est-il accusé? D'avoir volé une moto? D'avoir tué son père, d'avoir frappé le serveur d'un restaurant ou d'avoir poignardé et volé l'argent d'un homme. Voilà, ok. Dans le film de Sidney Lumet, Les 12 hommes en colère, en 57, 12 membres du jury doivent statuer sur le sort d'un jeune homme de 18 ans. Il est accusé d'avoir volé une moto, tué son père, frappé le serveur d'un restaurant ou poignardé et volé l'argent d'un homme. Ok, je vois le film mais je ne me rappelle pas de quoi il est accusé. Tuer son père, tu m'as dit, c'est ça? Alors, il a tué son père, volé une moto, frappé le serveur d'un restaurant, poignardé et volé l'argent d'un homme. J'en ai aucune idée. Je vais dire poignardé et volé l'argent d'un homme. Est-ce que tu valides? Je vais valider cette réponse. Ce n'est pas une bonne réponse. La bonne réponse pour laquelle est accusé le jeune homme de 18 ans dans 12 hommes en colère, c'est d'avoir tué son père. D'accord. Voilà. Ah, j'avais un doute aussi. Voilà. Okay. Les autres réponses, en fait, Pépé, c'est basé sur les séries qui reprennent le concept du film. D'accord. Le temps d'un épisode. Voler une moto, c'est Malcolm, Lewis, qui est membre d'un juré. Ah oui, ok. Voilà. Ouais, ça, je pense. D'avoir frappé le serveur d'un restaurant, c'est les Simpsons. D'accord. Et d'avoir poignardé et volé l'argent d'un homme, c'est Monk. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc vraiment, très bien joué. Ok. Voilà, les questions pas évidentes et des questions faciles. Oui, bah ouais. Ouais. C'était un peu le jeu aussi. Bah, c'est ça. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est déjà, on était, je veux pas dire fatigués, mais niveau inspiration... À un moment, ouais, on a plus de. C'était plus un peu compliqué, quoi. Ouais. On se connaît par cœur et on s'est dit, tiens, on va essayer de sortir de notre zone de confort pour avoir des questions étrangères à des gens qui nous connaissent bien, en fait, quoi. Donc on a 18 points pour Bibou. D'accord. C'est ça. Et 14 points pour Bibounette. Voilà, donc Bibou est le grand vainqueur de ce dernier quiz, Est-ce en fait. Est-ce qu'on peut appeler ça une victoire écrasante? 4 points? Non. C'est un peu écrasant, ça aurait été 4-18, par exemple. Bah, c'est une victoire, comment on peut appeler ça? Bah, c'est une victoire, tout simplement. Ouais, mais j'ai besoin non. d'un... Non, c'est juste une victoire. Une victoire, c'est cool. C'est une victoire, voilà. Bravo Bibou. Bravo Bibou. Oh là là. Ah, c'était bien joué en tout cas. C'était bien joué. Très bien. Ouais. Super. On a fait nos gros feignants, on n'a rien fait. Non. On a juste installé le matos et on a enregistré. C'est ça. J'ai adoré, c'était génial. Ah ouais, carrément. Et puis c'est bien parce que de faire participer aussi d'autres personnes, ils voient le travail qu'il y a derrière. Péremptoire qui disait que à un moment ça tire, ça prend, c'est fatigant en fait de chercher l'inspiration, trouver les questions, les réponses qui vont aussi quoi. Donc c'est bien de voir aussi l'envers du décor dans la préparation d'un quiz quoi. Bah, c'est ce qu'on disait quand on faisait nos quiz à l'époque, c'est pas tant de trouver les questions qui sont dures, c'est de trouver les mauvaises réponses. C'est ça, de trouver les réponses. Là tu mets beaucoup plus de temps à trouver des mauvaises réponses que. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'était encore un super épisode. Je te remercie beaucoup. Merci Bibou. À toi, Bibounette. Je remercie beaucoup Péremptoire pour sa collaboration. Vous pourrez le retrouver, faut quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Péremptoire, sur Twitter, hashtag Péremptoire. Mm-hmm. Et aussi sur hashtag PP Podcast au pluriel. Et puis bien sûr, Podrenne. Et Péremptoire qui fait aussi des blind tests musicaux. Oui. C'est comme ça qu'on a commencé le podcast, justement, avec lui. C'est exactement comme ça. Il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est ça. Voilà. Et on remercie, ben toi tu veux... Je remercie Yannick, voilà. Pseudo sur Twitter, AKDallas, A_K_Dallas. Merci beaucoup à Yannick. Qu'on citera justement dans les tweets et dans le texte de l'épisode. Bien sûr, tout bravo à eux, merci, ouais. C'était cool. Merci à ceux qui nous ont suivis dans toute cette panoplie de quiz qui nous ont soutenus. Pendant qu'on parle à la fin, je vais lancer une petite musique si ça te dérange pas. Ah bah d'accord, je veux bien. Parce qu'on parlait de Retour vers le futur tout à l'heure. C'est vrai. Qui est un film acceptable, sympathique. Oui, c'est sympa. Ouais. Bah tu sais, comme on parle de Zemeckis, il va y avoir un super film qui va sortir bientôt. Eh ouais, tu m'en as parlé hier, ouais. Ouais. Ok. Et je crois qu'il y a Benicio del Toro dans le. Tout à fait. Et puis c'est une collaboration Zemeckis avec Guillermo del Toro. Mm-hmm. Donc ça va envoyer du pâté, comme on dit. Ok. Ouais. Et donc je te parlais de Retour vers le futur. Ouais. On va s'écouter The Power of Love de Huey Lewis and Comment the bien News. Finir. Comment bien finir. Yes. Et c'est lancé. Et donc tu disais, excuse-moi, tu voulais remercier. Bah, je voulais remercier tous ceux qui nous avaient suivis depuis tous ces quiz et puis les retours qu'on a eus qui nous ont permis de prendre de la confiance, de l'assurance la et puis de la confiance, c'est ouais, ça. Ouais. Et puis merci à tous pour ce soutien parce que c'est vraiment agréable ouais. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Ah bien, j'en profite, je vais faire un petit peu, j'y pense là, à Master Fred de Geek et Légende qui m'a envoyé petit MP l'autre fois. Ouais. Je savais même pas qu'il avait écouté nos émissions. Ça fait plaisir, ouais. Pour nous féliciter du travail et que... Ouais, ça fait vraiment et donc, plaisir. Voilà. Merci Fred, on merci se reverra Fred de nous peut-être avoir à Podrenne, ça serait cool. Ouais. Et merci aussi à VL de tes retours et de ton soutien, ça fait très plaisir. De faire la pub de l'émission, parce ouais. que j'ai appris qu'il faisait et ça fait super plaisir. Ouais. Et évidemment à tous ceux sur Twitter qui mettent des petits likes, des retweets et... Et puis ceux qui ont participé aussi aux autres quiz, merci à vous. En tout cas, on se retrouve bientôt. Il y a une belle surprise qui vous attend pour Halloween. Ouais. Donc on n'en dit pas plus. On n'en dit Soyez pas plus. À l'écoute pour le 31. On va s'y mettre bientôt. Ça marche. Merci à bientôt, Bibounette. Mon bibou. Bien joué. Bien joué, mon bibou. Félicitations encore. Allez. À bientôt. À bientôt, salut. Bisous.